L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour Marion Petit, vous êtes chargée des pratiques responsables à la Fédération Grabuge à Nancy. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs la Fédération Grabuge ? Oui, on est donc la Fédération des musiques actuelles du Grand Est, ce qui veut dire qu'on fédère tous les acteurs, tous les métiers, toutes les esthétiques des musiques actuelles sur le territoire du Grand Est. On s'adresse donc autant aux diffuseurs, c'est-à-dire les salles de concert, les festivals, les métiers de l'entourage, donc les producteurs, les managers d'artistes, les bookers, les labels, mais également les médias, les artistes, enfin voilà, tous les métiers de la filière, qu'ils soient adhérents à la fédération ou non d'ailleurs. Quels sont concrètement les types d'actions que vous mettez en place pour les artistes ? Pour les artistes, on a des dispositifs d'accompagnement à la fois artistiques, donc on les aide dans leurs projets, on les aide également à la diffusion. On a également un accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc là, on accompagne toutes les initiatives, qu'elles soient artistiques, structures d'accompagnement, également montage de festivals par exemple. Et donc on s'adresse autant aux artistes qu'à leur entourage, qu'à l'accompagnement, qu'à tous ceux qui ont des volontés en fait d'entrepreneuriat ou même si c'est des structures bénévoles, voilà, de création d'initiatives dans la filière musique actuelle. Donc en fait finalement tous les acteurs de la filière, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et trouver ? C'est un accompagnement ? Alors oui, on va à la fois les accompagner dans la création d'initiatives, dans le fonctionnement de leur structure tout simplement, mais on est également là pour les mettre en réseau, pour les faire travailler ensemble, pour les faire se connaître aussi. Parce qu'on est une région qui est très grande, on a beaucoup d'acteurs qui sont isolés ou qui se croient isolés, et nous on est là pour les faire se rencontrer, travailler ensemble. On va également essayer de mutualiser les initiatives, de les faire travailler ensemble pour gagner du temps, gagner de la ressource. Donc on est vraiment là pour ne pas faire à leur place, mais les accompagner dans leurs initiatives, et faire en sorte que la filière prospère, que les gens se connaissent, travaillent en Grand Est, mais également sortent de la région, se fassent connaître au national, voire à l'international. Et comment fait-on pour rejoindre l'association ? Alors, on peut effectivement devenir adhérent de la fédération. Donc pour ça, vous pouvez tout à fait passer par notre site internet ou nos réseaux sociaux. Et c'est Mylène, notre chargée d'animation, qui va se charger de faire le lien, de vous expliquer un peu comment on adhère, à quoi ça sert d'adhérer à Grabuge. Et ensuite, l'adhésion passe par notre conseil d'administration. Et on peut très rapidement devenir adhérent de la fédération. Sachant qu'on peut aussi bénéficier de nos actions sans forcément adhérer. Mais c'est vrai qu'adhérer, ça donne un petit peu plus de corps au projet. Ça permet d'être plus fort ensemble. On a actuellement un peu plus d'une centaine d'adhérents sur toute la région. Ça permet aussi de participer à nos temps fédéraux. Par exemple, le 12 juin, on fait notre assemblée générale à la Souris Verte à Épinal. Là, c'est un grand temps annuel où tous les adhérents peuvent se rencontrer, échanger. On organise aussi des tables rondes thématiques avec des invités extérieurs à la fédération. Donc voilà, ça permet aussi de participer à tous ces temps, de travailler aussi sur des groupes missions. On a des groupes en fait de travail qui permettent aux adhérents de se rencontrer entre eux, d'avancer sur des projets en particulier et également de faire des rendez-vous par métier. Donc voilà, donc adhérer à la fédération, ça permet tout ça, toute cette interconnaissance qu'on apporte sur ces temps, voilà, vraiment dédiés aux adhérents. Et Grabuge a récemment lancé un nouveau projet le 5 mai, un programme d'accompagnement professionnel transfrontalier au féminin entre le Grand Est et le Luxembourg. De quoi il s'agit exactement et comment on fait pour candidater ? Oui, tout à fait. Alors le projet Comet, c'est effectivement un projet d'accompagnement professionnel au féminin qui a pour but d'accompagner les femmes qui travaillent dans la filière musique actuelle et qui, on va dire, qui portent un projet artistique, parce qu'on sait que les femmes aujourd'hui, elles ont plus de mal, on les voit moins entreprendre, on les voit moins à la tête d'un groupe ou même d'une structure musique actuelle. Donc c'est vraiment des projets qui sont menés comme ça, que ce soit en France, ailleurs, dans d'autres régions, pour les accompagner. Et ce projet donc s'adresse à toutes les femmes qui sont basées en France, mais on va bien sûr plutôt aller chercher les femmes du Grand Est. Et du moment qu'elles portent un projet musique actuel, elles sont les bienvenues. On n'a pas de limite d'âge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir au moins tel âge, ni d'âge plafond, parce qu'on pense qu'à tous les âges de la vie, on peut avoir besoin d'aide professionnellement, besoin de faire réseau, de rencontrer d'autres femmes. Et c'est donc un programme qui démarrera en 2026, mais la clôture des candidatures est le 3 juin. Donc si vous avez envie de candidater, vous êtes les bienvenus. Et on peut bien sûr vous donner davantage d'informations si vous nous contactez en direct. Et d'ailleurs, pour candidater, c'est à retrouver sur le site directement de la Fédération, dans la rubrique Actualité. Et ensuite, un autre événement prochainement pour la Fédération, ce sera, puisque vous serez présent à Rencontre Éclat à Metz, le jeudi 5 juin. En quoi consiste cet événement exactement ? C'est quoi son objectif ? Oui, alors les rencontres éclats sont des rencontres qu'on a initiées depuis là de cette année 2025. Ce sont des rencontres territoriales, donc on va les faire dans différentes villes du Grand Est. On va essayer de tourner régulièrement. Là, cette rencontre, elle a lieu à Metz dans le bar La Douche Froide. Et le but, c'est de permettre aux gens du territoire de Metz, alors qu'ils viennent de Metz ou même d'un peu plus loin, tout le monde est le bienvenu. Le but, c'est de rencontrer des acteurs, des professionnels. Donc on est plusieurs pour faire un SMID meeting. Donc par exemple, Grabuge sera présent, mais également des programmateurs, des chargés d'accompagnement, des labels, pour justement rencontrer les personnes qui sont en interrogation, qui veulent rencontrer un peu du réseau. Donc on peut y aller sans besoin particulier, sans avoir spécialement de projet à vendre. Le but, voilà, c'est de se rencontrer, de parler de son projet à des professionnels, de se faire aider, également de rencontrer d'autres pros du secteur. Alors quand je dis pro, c'est aussi complètement ouvert aux amateurs, hein. C'est juste qu'on est toujours, nous, plutôt dans l'accompagnement à la professionnalisation. Il y aura également la présence du JIP Café Culture, qui sera là pour expliquer comment les bars aussi ont un vrai rôle de développement des musiques actuelles en devenant des diffuseurs de concerts. Donc c'est une rencontre qui est ouverte à tous. Effectivement, donc ce sera le 5 juin à Metz, mais d'autres seront à venir ailleurs dans la région. Et là, c'est sans inscription, on peut venir librement. Merci beaucoup, Marion Petit, d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la Fédération Grabuge, rendez-vous sur leur site internet fédérationgrabuge.org. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.